branche-moi le microphone, l'horloge tourne au compteur. C'est l'heure de kicker et de mettre un coup de pompon pompeur. Vlad, jeune MC qui crée la stupeur, qui réclame sa part du gâteau. Service sur plateau, ne reste pas planté là. Les bras ballants, lève-les pendant que je balance une nouvelle avalanche de vases fraîches qui arrachent les oreilles de ces rappeurs fâches. Avec une gouache, laisse des crises d'angoisse aux gros stats. Faut que je trace ma route, sortir de ce cul-de-sac. Pas tomber dans le panneau, mais foncer tout droit sans zigzag. Exact, à croire que j'ai signé un pacte. Celui de laisser que des impacts. Quand j'attrape le mic, y'a de la marche, on des arts fourqués. Dealer de rime en quantité, certifié et approuvé. En effet, tu son frais, en exclu power au frais. Si ça t'es frais, tu n'as qu'à rester en retrait. D'un trait, j'élimine les deux traits qui manquent d'entraînement. Dans cette guerre contre les faux, y'aura trop d'enterrement. Le thermomètre grimpe de plus en plus quand je place un terme net à cet homme qui donne leur alus. Attitude féroce, car trop nombreux dans la course. Ne resteront debout que ceux qui auront assez de souffle pour encaisser les coups et tenir jusqu'au bout. Pour que les jaloux en soient bouche bée comme si c'était le sujet tabou. Mic chargé, quand je m'en sers pour faire un carnage, causer des dommages et noircir le paysage. Mic chargé, dans la peau pour dégommer les faux, démontrer du flow, prends ça comme une nouvelle info. Mic chargé, plein des trims dans le barrier, des grenades de choc sur le point de dégoupiller. Mic chargé, pour mettre les NEHS cloués sur une chaise, le microphone c'est NEHR. A chaque fois que le MIC je la grippe, méfie-toi quand des doses de violence verbale gratuites sont lâchées dans le mille, directement dans le tas. Faut que tu t'écartes car le danger sera inévitable. Ceux qui testent, je les prends de grande vitesse et laisse une forte tristesse. Le rap mon anti-stress, à cause de mes lyrics ils s'ouvriront leur gueule. Diront que Nerville fouteur de spell les remplit d'orgueil. Mais rien à foutre, des commérages à mon égard. J'ai trop de rage depuis le démarrage pour que je rétrograde. Mon flow une flamme, posé sur du senseux. Faut que je sorte du fossé, la marche arrière serait insensée. À cet instant c'est une affaire personnelle entre Beura et moi, que des fois j'en perds sommeil. À veiller, améliorer mon écriture, soigner ses erreurs à la forger pour en faire des résidus. J'attire les tympans, collé aux enceintes, lyrical guetta banquette. Sur la pente j'ai laissé mes empreintes. Je suis venu marquer l'époque accompagné de mes potes. Grimper la côte pour être au sommet car on vise le top. Juste la mort stoppera mon élan. Tant que je serai là je chercherai à passer les échelons dans ce rap business. Je veux péter le score comme le Guinness, faire des records pour que les haineux sortent leur Kleenex. Mic chargé, yeah, prêt pour tout ravager. Nervi, NEHR, DJ Kior. Mic chargé, quand je m'en sers pour faire un carnage, causer des dommages et noircir le paysage. Mic chargé, dans la peau pour dégommer les faux, démontrer du flow, prends ça comme une nouvelle info. Mic chargé, plein des trims dans le barrier, des grenades de choc sur le point de dégoupiller. Mic chargé, pour mettre les NEHS cloués sur une chaise, le microphone c'est NEHR. Mic chargé, quand je m'en sers pour faire un carnage, causer des dommages et noircir le paysage. Mic chargé, dans la peau pour dégommer les faux, démontrer du flow, prends ça comme une nouvelle info. Mic chargé, plein des trims dans le barrier, des grenades de choc sur le point de dégoupiller. Mic chargé, pour mettre les NEHS cloués sur une chaise, le microphone c'est NEHR.